بسم الله الرحمن الرحيم. سئل العلامة صالح بن محمد اللحيدان حفظه الله تعالى: هل ينبغي للمسلم إذا التقى بمسلم جديد أن يخبره بالفرق المنحرفة عن الصراط؟ Ils ont posé cette question à العلامة الشيخ الحيدان حفظه الله تعالى وهو من كبار العلماء à notre époque, il fait partie des grands savants. Ils ont posé cette question: est-ce que un musulman il doit informer son frère musulman al-jadid, un musulman qui n'a pas beaucoup de connaissances ou qui vient de se convertir, ou... on doit l'informer, ce musulman, du danger des groupes égarés, des sectes. قال حفظه الله تعالى هذا من النصيحة. Ça fait partie du bon conseil. النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. Le fait de montrer à nos frères l'égarement des sectes, que ce soit le Khawarij, que ce soit le Jahmiya, le Mu'attila, que ce soit à notre époque l'Ikhwan, ou le Tablir, ou l'Ahbash, ou bien sûr al-Rafida, al-Shi'a, tout ça c'est mina al-Nusr. Ça fait partie du bon conseil. Cette question est importante. Limana, liana, on vit à une époque, en al-Ba'd, et yaqulun an. Tu ne dois pas montrer ces choses-là. Ces choses-là, ça cause la division. Bardanès, ils appellent à appeler à l'unification. Donc, on ne doit pas citer ces choses. Ça, c'est minel riche. Ça fait partie de la trahison envers nos frères. Il y en a, ces groupes, ils existent. Ces sectes, ils ont des fondements, ils ont des principes. Et si on ne montre pas ces égarements à nos frères, arubama yaqa ba'd al-ikhwavi في شبهاتها ولا فلهذا قال حفظه الله هذا من النصيحة ça fait partie du conseil الدين النصيحة بل ça fait partie des conseils essentiels qu'on doit se faire entre nous. قال الشخص جديد عهد بالإسلام يخشى عليه التأثر بالفرق الضالة هذا من واجب المسلم ça fait partie des obligations. مثلا un frère il vient de se convertir et il vit dans un pays, dans une ville où il y a des sectes. At-Tabligh, ou l'Ikhwan, ou Da'ish, ou l'Qa'ida, ou l'Khawarij, ou l'Rawafid. Et on ne lui dit rien. Alors que nous, on sait. Et on le laisse. On le laisse et en tant que nouveau, il ne connaît pas Hada. Pour lui, un musulman, c'est un musulman. Il n'y a aucune différence entre un Khariji et un Sunni. Pour lui, un musulman, c'est un musulman. في هذا الحال عندو سكونسي هذا من واجب المسلم انت en tant que musulman si tu connais une chose qui peut faire du mal à ton frère musulman une chose de dunya مثلا un médicament qui peut lui faire du mal ou une boisson qui peut lui faire du mal ou un endroit qui peut lui faire du mal tu vas le conseiller et personne ne dira que tu fais du mal ou ابدا pourquoi quand c'est lié à l'aqida quand c'est lié au din et on veut du bien à nos frères et on leur montre avec des preuves les mains d'abord les nains n'acceptent pas tellement les mains les d'abord les nains ils font partie de ces groupes et ils savent très bien que si la mise en garde elle se propage eux-mêmes ils seront réfutés et les gens ils feront attention les mains d'abord les nains ils font tout pour que ces conseils n'apparaissent pas normalement si on est véridique et on est sincère et on veut la satisfaction d'Allah Azza wa Jal, on doit pas parler sans ilm. Hada tayyib. On doit pas mettre en garde sans ilm. On doit pas rentrer dans des choses qu'on ne maîtrise pas. On doit pas être injuste. Hada tayyib. Amma un frère qui met en garde contre l'Ikhwan, contre Tablir, contre Khawarij, contre Rawafid, avec des preuves, avec kalam ahl al-ilm, en appuyant avec des versets du Coran Karim et des hadiths du prophète Aïssa sallallahu alayhi wa sallam, il est où le mal? Hada, normalement, on doit l'encourager, on doit s'entraider ma'a. Qala, hada min wajib al-muslim. Al-muslim akhul muslim. La yatrukuhu yadhi'a. Celui qui veut du bien pour son frère, il ne ressent aucune gêne. Bel wallahi yafrah. Yafrah si on le conseille, et yafrah quand il entend son frère qui fait des efforts pour conseiller les autres. Hada. Et انتهى جواب الشيخ رحمه حفظه الله تعالى la référence درس العقيدة الواسطية ils ont posé à la fin du درس de الواسطية l'année 1435 وفقه الله تعالى لكل خير وشفاه et نكتفي بهذا والحمد لله